son équipe. Bonjour, cher Julien. Allô, vous m'entendez? Ah, oui. J'avais peur. Non, mais je suis là dans le studio parce que j'ai entendu ce matin que on pouvait faire du télétravail quand on est malade. Oui, avant, c'est ça. Mais là, je suis malade et je suis malgré tout dans le studio. Voilà. Vous voulez qu'on pleurniche un petit peu sur votre situation? Mais pas du tout. Je voulais dire on était sûr d'être joignable tout le temps. Alors là, il y a tout qui part en même temps. Enfin, non, ouais, c'est parce bizarre. Parce qu'on nous a rajouté des boutons sur la console, donc on les essaie. Donc, nous, on aime bien. Nous, vous savez, on est des bons terriens. Ils nous ont rajouté 4 boutons. Allez, hop, on a fait dessus. À quoi ça va? Bon, mais voilà, ça démarre bien en tout cas. Ça prouve bien qu'on est en direct. Parce que si on ne l'était pas, ça serait grave. Je vous souhaite une bonne journée, mon Yves. Je bonne émission. Et c'est un plaisir d'être à vos côtés. Une fierté pour moi. Nous avons un mot, Maître Fellonneau. Bonjour. Voilà, c'est ce qu'elle dit de mieux. Oui. Et vous ne la entendrez plus jusqu'à demain matin. Merci, Yves. Salut. Allez, attaquons maintenant parce que des missions nous ont été lancées. Et il y a notamment celle. Alors. Je vais faire attention de ne pas écorcher son prénom parce que j'ai vu qu'une chanteuse qui avait été invitée dans une émission de télé n'était pas contente parce qu'on a écorché à 2 reprises son prénom et elle dit c'est vrai que c'est un petit peu quand même désobligeant. Donc il s'agit de Mawaeb. Je vous appelle des Yvelines. Ma fille s'est fait dérober son portefeuille dans le métro. Depuis, malgré ses déclarations de vol et son dépôt de plainte pour usurpation d'identité, elle vit un cauchemar. 3 comptes frauduleux ont été ouverts à son nom et les fichés à la Banque de France. Alors c'est une catastrophe, nous allons essayer de la déficher dans un premier temps et dans un deuxième, Hervé Pouchot lui rendra son portefeuille. Il y aura également Julie. Je vous appelle de Seine-Maritime. Mon ex-employeur, pour lequel j'ai travaillé en Corse, refuse de m'envoyer mon solde tout compte de 1 800 €. À cause de mon état de santé confirmé par un médecin, j'ai dû retourner en Normandie et ne peux me déplacer. Ça se passe en Corse, il y a pour régler tous ces problèmes. Alors attention, il va y avoir aussi tout ce que nous avons fait depuis le début de la semaine. On fera un point et il y aura des avancées. La grande Blanche de Grandvilliers, avocate Jockey, est là. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour Nathalie à tous. Fellonneau. Bonjour à tous. Hervé Pouchol. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard, JB, Charlotte, Céline, réalisation Xavier Kassovitch. Pour nous joindre en direct, c'est le 32 10. 50 centimes d'euros la minute. Et si vous préférez la gratuité totale, Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou mieux encore, RTL.fr. Au début, c'était ça le jingle et je l'ai fait couper parce que j'ai trouvé que c'était quand même un peu désobligeant pour moi aussi, quand même. Il ne faut pas exagérer, j'ai aussi ma dignité. Blanche de Grandvilliers, on fera un point aussi sur la cause animale que vous défendez. Nous vous remercions. Merci. Et on parlera notamment du droit de ces animaux sauvages qu'on retrouve dans les voitures. Il y a quand même un crétin, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'est fait attraper sur les Champs-Élysées avec un lionceau dans la voiture. Qu'est-ce qui va devenir ce pauvre lionceau? Alors évidemment, ils l'ont sorti de là, mais le pauvre, il était tranquille dans sa savane avec sa mère, ce lionceau, et il s'est retrouvé dans une Mercedes dans le coffre. C'est quand même n'importe quoi. Et ils n'ont pas les mêmes droits, les animaux sauvages. C'est ce que nous dira Blanche de Grandvilliers pour faire bouger les choses. J'accueille ma première auditrice. Je voudrais qu'elle me donne exactement son nom afin de ne pas l'écorcher. L'ai-je bien prononcé? Mawaeb. Absolument. C'est super. C'est de quelle origine, Mawaeb? Tunisien. Mawaeb, je vais vous demander d'expliquer maintenant cette histoire et je demande à tout le monde de bien écouter parce que celui qui ne s'est pas fait piquer ses papiers ne sait pas dans quel engrenage il va être pris et surtout, ça ne s'arrête jamais. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne puisse pas stopper ça immédiatement. Écoutez. Ma fille s'est fait dérober son portefeuille dans un métro à la suite d'un festival le soir et depuis, elle vit un cauchemar. 3 comptes ont été ouverts en son nom, dans 3 établissements bancaires. Elle est fichée à la Banque de France. On reçoit régulièrement des amendes de transport de la part de la SNCF. Et notre vie est bouleversée depuis. Je me doute, parce qu'elle doit se dire comment cela va s'arrêter. On lui réclame 15 612 euros. Elle est fichée, sa vie est complètement changée. Mais alors, Blanche de Grandvilliers, qu'est-ce qu'ils font exactement avec cette carte d'identité? Parce que il faut coller une fausse photo, ou alors c'est le banquier qui ne vérifie pas, qui demande la carte d'identité quand on ouvre un compte, qui ne voit pas que c'est pas la même photo? Oui, je suppose que ça doit être à peu près ressemblant. Il faut quand même rappeler que la fille de notre auditrice a aujourd'hui 20 ans. Donc, comment ouvrir un compte à 18-19 ans? J'aimerais bien qu'on interroge le banquier pour savoir quelles précautions il a pris lors de l'ouverture de ce compte, parce qu'il y en a pour plus de 13 000 euros. Et effectivement, c'est très facile. Quand vous êtes arrêté à la SNCF, vous n'avez pas votre titre de transport, vous montrez votre carte d'identité, c'est très pratique, parce que si vous ne l'avez pas, vous allez au poste. Bien sûr. Mais par contre, en montrant la carte, vous êtes tranquille. Et que vous dit la banque? Parce qu'il y a eu depuis dépôt de plainte, c'est pas comme si elle n'avait rien fait, elle a prouvé sa bonne foi, elle a été au commissariat, il y a une enquête qui est en cours, donc on sait que ce n'est pas elle, et malgré tout, la banque ne peut rien faire, Maweb ? Absolument rien. La Banque de France relance les trois établissements bancaires où un compte a été ouvert. Il refuse la levée du fichage. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Ouais. J'espère que tout le monde entend bien. C'est-à-dire que la Banque de France leur dit « Cette pauvre Maweb a été victime d'un vol, on arrête les frais. » Les banques disent « On n'arrête rien du tout, on continue. » Et c'est là où on voit la différence qui existe entre les publicités d'accompagnement sur la place du village. On est là pour vous accompagner, les gars. Hein, là, votre banque vous tend la main. Votre banque est là. Quand il y a un mauvais coup, ben, on est là. Ben, tiens, regarde, il y a un mauvais coup. On m'a piqué mes papiers. Vous avez accepté d'ouvrir des comptes au nom de celui qui me les a piqués. Maintenant, c'est moi qui suis dans la MER2 parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et vous ne faites rien alors que la Banque de France vous demande de le faire. Voilà où on en est. Mais Blanche. Et la Banque de France a été très loin pour protéger notre auditrice parce qu'elle n'a aucun pouvoir d'appréciation, la Banque de France. Et c'est elle qui a fait la démarche de demander aux établissements qu'ils inscrivent Maweb sur le fichier, parce qu'il y a un fichier, usurpation d'identité. Une fois qu'elle est inscrite sur le fichier, eh bien c'est très bien, les oppositions pourront disparaître. Préparez-moi tous les numéros, la Banque de France bien sûr, mais également les autres banques et les agences que nous allons appeler. On est bien d'accord, Maître Fellono, nous avons un dépôt de plainte, nous avons tous les papiers qui prouvent que Maweb a fait tout ce qu'il fallait au niveau justice. Elle a fait plus que le nécessaire, mais visiblement, les banques n'en s'en contentent pas, alors il va falloir insister aujourd'hui. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, j'espère qu'on va l'aider. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Maweb ? Alors, c'est pour ma fille. Oui, c'est pour ma fille, ah oui, Maya, vous êtes Maweb et c'est votre fille. Oui. Absolument, qui est étudiante et qui est en cours aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle ne peut pas vous appeler. D'accord. Et elle est étudiante, elle prépare un master de journalisme à l'école de journalisme de Lille et un master de Sciences Po. Eh ben bravo, dites donc, hein, elle est très sérieuse votre fille. Vous avez utilisé des mots que personne ne comprend dans ce studio. Qu'elle parle. Et Hervé Pouchol est en train de demander Sciences Po, c'est quoi? C'est pour les pots d'échappement? Non, pas du tout, c'est l'Institut des sciences politiques. Ah, bon. Ah ben là, vous êtes tombé. Hein. Vous êtes tombé sur la belle équipe, la Maweb. On va s'en occuper, ça se passe dans une seconde. Charlotte, il y aura un deuxième cas. Julie a fait un CDD 3 mois en Corse, mais suite à une dépression, elle a dû rentrer chez elle. Aujourd'hui, elle ne peut pas aller chercher son solde de tout compte et son employeur refuse de lui envoyer. Vous avez choisi la radio numéro 1, elle s'appelle RTL. Bonne journée à vous tous. Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients? Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe. Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24-24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger. Bon ben, on part travailler au soleil. Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. Leclerc. Chérie, en ce moment chez Leclerc, 70% de tickets Leclerc sur le gel douche Le Petit Marseillais de 650 ml. 70%, c'est beaucoup. Tu m'étonnes. 70% de tickets Leclerc, j'adore. Du 13 au 24 novembre chez Leclerc, le gel douche Le Petit Marseillais de 650 ml, plusieurs variétés au choix, est à 3,45€, soit 5,31€ le litre. Avec en plus 70% de tickets Leclerc. Vend modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Ça fait 2,42€ sur la carte Leclerc. 70%. Ouais, je sais. Bon, j'ai compris. Pour l'assurance vie, tu me conseilles la France Mutualiste. Mais pour la voiture de mon fils, tu passerais par qui? La France Mutualiste. Ils font les deux? Oui, et ils comparent même les assurances pour ton appart, si tu veux. On est bien chez eux, alors. T'as tout compris. Avoir un conseiller en assurance mutualiste, c'est rassurant. Épargne retraite, auto, habitation, prévoyance, santé, la France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille. Rendez-vous sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste. Groupe La France Mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance. Avec Conforama, Noël est plus beau. À ceux qui ont décidé d'inviter toute leur famille à Noël, on propose moins 50% sur le canapé d'angle convertible Percy, soit 999 euros. À ce prix-là, on en connaît qui vont rester. Conforama, jusqu'au 24 décembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous rappelons ce qui arrive à la fille de Maweb qui est à l'école ce matin. Sa fille se fait voler son portefeuille dans le métro et depuis les ennuis s'enchaînent. 3 comptes bancaires ont été ouverts à son nom. On lui réclame 15 600 euros. Je le redis, quand on se fait piquer, ce qui m'est arrivé récemment, croyez-moi, le sac en lui-même ou les cartes bancaires, c'est presque moins grave que les papiers d'identité. Parce que les cartes bancaires, vous faites opposition, moi c'est ce que j'ai fait, il n'a rien pu prendre, il a essayé, mais ça a été tout de suite bloqué. Mais les papiers, c'est une catastrophe. Après, vous n'arrivez même plus à vous en sortir. Appelons donc la première banque dans laquelle quelqu'un est venu ouvrir un compte, donc au nom de la fille de Mawaeb, on est bien d'accord, avec sa carte d'identité, alors que ce n'était pas elle. C'est parti. Et nous partons, si je ne m'abuse, du côté de Toulouse. Philippe Abli, bonjour. Je suis au LCL. Non, vous êtes au CIC. Ah, au CIC. Alors, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je suis désolé, on va couper. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, je voulais qu'on appelle donc la première banque, le LCL. Je ne sais pas ce que c'est que le CIC. Pour moi, c'était le CIC Albi ou la banque de Mawa quand on a fermé son compte. D'accord. Dans cette banque. On a dit qu'on appelait donc la banque. C'est la banque où ils ont ouvert des comptes. Les comptes ont été ouverts JB où ? Alors les comptes ont été ouverts au LCL, voilà. Effectivement. Alors c'est, vous disiez que c'était du côté de Toulouse, hein, c'est en région parisienne. Ah, c'est pas le même Coulommiers. Ouais, non, c'est Coulommiers. D'accord, okay. Coulommiers. On appelle le LCL donc. Bonjour, bienvenue chez LCL. Votre interlocuteur est actuellement indisponible. Il a mal au ventre. Nous vous de renouveler votre appel. Il va falloir appeler. Bon. Pardon, vous dites Mawaeb ? Vous avez la banque à Abli, c'est l'ancienne vraie banque de ma fille, en fait. Oui, mais la banque de votre fille, elle a lié pour rien. Ce qui compte, non, c'est de savoir. Non, elle lié pour rien, sauf que elle lui a fermé, elle a clôturé, elle nous a en fait traité comme des malpropres, elle a clôturé le compte de ma fille. D'accord. Maître Felloneau. Et c'est elle qui ne défère pas, en fait, aux requêtes de la Banque de France qui, on se le rappelait avec Blanche, n'a pas de pouvoir d'autorité, en fait. Ce n'est qu'une chambre d'enregistrement de ce qui se passe. Bon. Et là, absolument. Elle a fait vraiment au-delà de son rôle, okay. Puisqu'elle a demandé aux banques de faire quelque chose. On appelle le CIC, donc. C'est cette fameuse banque où Mawaeb avait un compte. On lui a piqué ses papiers. Avec ses papiers, on a été ouvrir d'autres comptes. Mais on a pris de l'argent. CIC Albi, bonjour. Oui, bonjour le CIC Albi. Je suis Julien Courbet. À l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je vous appelle car je traite ce matin le cas de la jeune Mawaeb El Boudrari qui s'est fait piquer ses papiers. Maya El Boudrari qui s'est fait piquer ses papiers. Avec ces papiers-là, les gens ont été ouvrir des comptes dans d'autres banques et vous lui avez carrément fermé son compte et tout alors qu'elle a déposé plainte, etc. Est-ce qu'il est possible d'avoir, par exemple, le responsable d'argent d'agence du CIC Abli? Je vais voir si elle est disponible, vous ne quittez pas. Merci beaucoup, merci madame. Voilà, alors on n'est pas Albi comme je l'ai dit, c'est Abli. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Abli qui se trouve dans le 78. Donc ça, bonjour. C'est la banque de la fille de Mawaeb. Oui. Alors vous récupérez l'appel, dès que quelqu'un répond, vous me le repassez. Dans un deuxième temps, nous allons maintenant essayer d'avoir la banque où un compte a été ouvert. C'est parti, oui. On y va. C'est donc cette fois-ci un autre Coulommiers qui se trouve dans le 77. Et c'est LCL, c'est parti. Ça sonne dans une seconde. Alors, c'est un peu compliqué, hein, toutes ces banques, mesdames et messieurs, on essaie de faire un peu la lumière. Bonjour, bonjour. Bienvenue chez LCL, Banque et Assurance. Nous recherchons un interlocuteur. Merci de patienter quelques instants. Éclate en tout cas. Hein. On ouais. dirait un gamin qui a envie d'offrir une guitare. Alors pendant ce temps-là, Hervé Pouchol est en train de parler avec la première banque. Vous l'entendez au loin et là ça sonne au LCL Coulommiers. Banque où le voleur est venu ouvrir un compte avec la carte d'identité volée. Christelle Clavel, LCL République, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, pardonnez-moi de vous déranger. Je me permets de vous appeler car ce matin, dans le cadre de mon émission, j'essaie d'aider une jeune fille qui s'appelle Maya Tania El Boudrari, qui malheureusement s'est fait voler ses papiers, alors elle a déposé plainte, etc. Elle avait un compte au CIC et avec ses fameux papiers volés, les voleurs sont venus dans votre banque ouvrir un compte, ce qui la met elle dans une situation impossible maintenant, puisqu'elle est interdite bancaire, etc. Alors, on voulait savoir comment ils avaient pu ouvrir un compte chez vous et comment ça se passe une fois que la police a reconnu qu'il y avait vol, etc. Alors, excusez-moi, je ne peux pas répondre à toutes ces questions. Qui peut répondre à ces questions chez LCL, s'il vous plaît, Coulommiers ? On va essayer d'avoir un responsable, mais une concert classique ne s'engagera pas à donner ce genre d'informations au téléphone. Pouvez-vous, s'il vous plaît, madame, avoir la gentillesse de me passer un responsable de LCL Coulommiers ? Non, il n'est pas dans mon service, donc je ne vais pas pouvoir vous le donner. Bon, je vais le rappeler, essayer d'avoir l'accueil, mais là, vous êtes en agence, pas l'accueil de l'agence. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de l'accueil de l'agence, s'il vous plaît, madame ? Alors, un instant. Merci. Je vais chercher le numéro. Alors, cette dame est en train de le chercher. Vous voyez que tout ceci se fait calmement, sans heurts, avec beaucoup de recul sur les choses, et une inspiration, une expiration de ma part qui me permet de rester calme, parce que si c'est la fille qui appelle, c'est la même chose. On ne vous dit rien, c'est comme ça, ainsi de suite. Elle est interdite bancaire, je le rappelle. Un dernier mot, Blanche. Oui, alors qu'on a quand même des questions à leur poser, parce que c'est quand même un découvert de 13 230 euros. Alors pour ce montant-là, on doit quand même prendre des garanties. LCL Coulommiers est incapable de nous dire comment ils ont ouvert un compte avec une carte d'identité volée, c'est la fin de tout. C'est pour ça qu'il faudra appeler le directeur de LCL France, parce qu'il y a forcément une explication. Monsieur, c'est une fausse photo, on n'a pas vérifié, etc. Mais là, c'est, écoutez, on n'a pas à vous répondre. Quelle, elle est plantée, la jeune fille ? Eh ben, oui, elle est plantée, c'est comme ça. Allez, on va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, si vous le voulez bien. Le cas numéro 1 est lancé. Nous avons appelé le CIC, nous avons appelé LCL. Il y a une autre banque. Appelez dans quelques instants et on attaquera le deuxième cas. Julie a travaillé cet été en Corse, mais elle est tombée malade. Elle a dû rentrer chez elle en Normandie. Aujourd'hui, son ex-employeur refuse de lui envoyer son solde de tout compte. Et c'est ce que nous allons faire. Mais à n'importe quel moment, vous le savez, il peut y avoir maintenant, sur ce dossier numéro 1, qui est très important à nos yeux, il peut y avoir une alerte. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes bancaires, Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou bien RTL.fr. Vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. RTL est toujours là près de vous pour vous aider. Et le temps de préparer des numéros et d'avoir du retour de la musique, celle que vous aimez. Voici Amy Stewart, Knock on Wood sur RTL. Amy Stewart, Knock on Wood, sur le cas de la fille de Maweb. Je vous rappelle qu'on lui a piqué ses papiers. Elle avait un compte au CIC. Et avec ses papiers, cette carte d'identité, le voleur a été ouvrir d'autres comptes. Il en a ouvert un au LCL. On est en ligne avec eux. Cette dame, elle voulait nous passer personne. Finalement, elle va peut-être nous donner un autre numéro. Oui, je suis en attente d'avoir ce fameux numéro. Voilà. Elle en a ouvert un dans une deuxième banque que je vais appeler dans quelques instants. Mais surtout, elle a ouvert, et je parle du voleur, un troisième compte dans la propre banque de la fille de Maweb. D'ailleurs, la fille de Maweb a tout de suite appelé en disant « Dites, il y a un compte douteux qui a été ouvert en votre nom au sein d'un autre établissement du groupe. Oui. » Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait pu mettre la puce à l'oreille pour arrêter la machine ? Non, aujourd'hui, on lui a carrément supprimé son compte. On va se retrouver dans une seconde. Vous nous direz si vous avez du nouveau, Hervé Pouchol, s'il vous plaît. Absolument. Dites donc, vous ? Moi, Madame Latsou ? Bah oui, vous ! Vous saviez qu'Akena fabrique aussi des pergolas ? Ah oui. Et pas n'importe lesquelles, des pergolas bioclimatiques. Pour profiter de votre terrasse, les pergolas Akena, c'est extra. Et elles sont sur mesure aussi ? Monsieur Akena, on fait ce qu'on veut ! Même avec les pergolas. Je me suis regardé, hein ? Ah oui ? Bah, qu'est-ce qu'il croit, celui-là ? Akena, la reine des vérandas. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération exceptionnelle. Les jours carburant. Le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Or GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous avez hâte de rentrer chez vous, non ? Je vous vois déjà vous détendre au coin du feu. Et tout ça grâce au conduit et sortie de toit Pujula. Facilité d'installation, confort et économie, ça change la vie. Un projet de chauffage ? Trouvez votre installateur Pujula sur pujula.fr. Pendant ce temps chez Renault, faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99 € par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000 € plus 36 loyers de 99 €. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 € hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Intermarché vous propose d'écouter des couteaux Vivo à 1 €. Chérie, tu me passes le sel s'il te plaît. Oui, chef. Tu peux éviter de crier comme ça. Oui, chef. Ah non, mais ça va être pénible. Chef. Cuisiner comme un grand chef. En ce moment, les couteaux de cuisine Vivo sont à 1 € seulement en collectionnant les vignettes chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 décembre, offre réservée aux porteurs de cartes de fidélité. Modalité complète sur collectionvivo.intermarché.com. Chez Air Transat, nous savons qu'il y a de nombreuses raisons de visiter le Canada en hiver. Les grands espaces, les balades en motoneige et finir sa journée dans un spa ou au coin du feu. Et puis le Canada, c'est aussi des rencontres authentiques et des expériences culinaires. Parce que toutes les raisons sont bonnes. Avec Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, vous êtes déjà au Canada. Montréal, Québec, Toronto ou Vancouver, à partir de 356 € TTC, aller-retour. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. EDF Entreprises s'engage pour les professionnels. Alexandre Penon, directeur marketing EDF Entreprises, nous parle solutions adaptées et gestion simplifiée des contrats dans un instant. Business Affaires. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alors, dans le 9h30, 11h sur RTL, on résume le cas dramatique, et je ne dis pas du dramatique pour faire pleurer dans les chaumières, parce que c'est vraiment dramatique pour cette jeune étudiante de 20 ans. Maya s'est fait voler son portefeuille, elle a porté plainte, et malgré cela, les voleurs ont pu ouvrir 3 comptes bancaires à son nom. On rappelle qu'ils ont été en ouvrir un au LCL, alors qu'elle est au CIC. Ils ont été ouvrir un deuxième compte dans une autre banque que nous allons appeler maintenant, mais ils en ont surtout ouvert un troisième dans leur propre banque, et ça vous choque. Dans la propre banque de la fille de Maweb. Exactement, alors pas dans son agence, évidemment, mais dans une agence du groupe. C'est comme ça qu'ils ont pu la prévenir. Et moi, je trouve ça incroyable, justement, que dans le propre groupe, on puisse faire des choses comme ça. Et surtout, c'est la conséquence, c'est qu'au lieu de fermer tout de suite le compte pour essayer de limiter les dégâts, eh bien, ça n'a pas été fait, le découvert a été augmenté. Donc, en réalité, c'est terrible. Il n'y a aucune assistance de la banque vis-à-vis de son propre avant client. Avant de lancer d'autres appels, en ce qui concerne le LCL Coulommiers dans le 77, place du marché, la dame ne voulait pas nous parler, nous disait ça ne sert à rien que je vous passe un responsable, il faut appeler un autre numéro. Avez-vous cet autre numéro ? Je l'ai, mais malheureusement ça ne répond pas et maintenant ça ne répond plus au LCL Coulommiers non plus. Voilà, donc ça ne répond plus du tout maintenant. Si vous êtes au LCL Coulommiers, vous êtes un peu dans la mouise à cause de nous, puisque là pour l'instant il doit y avoir une consigne pour ne pas répondre. On va réessayer dans quelques instants et ils nous ont donné un numéro qui ne répond pas. De votre côté, la banque de la fille de Maharweb. Eh bien écoutez, j'ai eu Maud Raymond qui est la directrice du CIC. Malheureusement, elle est en réunion, elle ne peut pas s'exprimer, mais elle a surtout envie de balancer la patate chaude au service client qui devrait me rappeler. Donc j'appelle également le siège du CIC. Appelons la troisième banque maintenant. C'est là, donc on part à Amiens, où le troisième compte a été ouvert avec une carte d'identité qui n'appartient pas à celui qui l'a ouvert. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons vous répondre. Eh ben voilà. Merci de renouveler votre adresse. J'avais envie de vous dire, il ne manquait plus que ça. Donc, d'un côté, vous avez une jeune étudiante qui se fait piquer ses papiers, qui est pendue, à qui on réclame aujourd'hui, je vous le rappelle, 15 612 euros, qui est interdit bancaire, et vous avez trois banques qui ont accepté d'ouvrir un compte. L'une où il n'y a pas assez de personnes pour répondre. La deuxième qui nous dit, nous, on ne répond pas, on va vous donner un numéro, il nous donne un numéro où il n'y a personne qui répond. Et la troisième, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est juste minable, ce n'est pas bien, je n'accuse en rien ces banques, mais il faut vraiment qu'on sorte cette jeune fille de là, parce que sinon, comment va-t-elle commencer dans la vie? Et ces trois banques, Julien, ont reçu un courrier de la Banque de France leur demandant de faire une mention spécifique sur le fichier indiquant que son identité a été usurpée. Si cette mention spécifique est faite, elle ne sera plus interdit bancaire. Alerte. Je suis avec le LCL. Le LCL. Bonjour LCL. Rebonjour de Coulommiers. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Alors, madame, je vous explique parce que je ne sais pas trop où je suis là. Nous avons appelé tout à l'heure LCL Coulommiers car nous aidons, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, nous aidons une jeune fille de 20 ans étudiante à qui on a piqué la carte d'identité et avec cette carte d'identité, ils sont venus chez vous et ils ont ouvert un compte. Aujourd'hui, elle est interdite bancaire, elle doit énormément d'argent. On voulait juste savoir comment des gens ont pu venir ouvrir un compte chez vous avec cette carte d'identité qui n'est pas la sienne puisque ça a été prouvé par la police, dépôt de plainte, etc. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? Je vous laisse patienter un instant, je reviens vers vous. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci. Bon, voilà, déjà, ça fait plaisir d'entendre ce genre d'accueil. Croyez-moi, on sait se contenter de petites victoires maintenant. Donc, va insister. Oui, je vous écoute. Pardon, Julien, vous avez un petit bout de la vie de ma famille depuis plusieurs mois. C'est exactement ça. Ah oui. J'ai pas entendu, excusez-moi. Ce que nous vivons, là, aujourd'hui, elle le vit depuis plusieurs mois. Elle n'en peut plus. Je comprends la gravité de cette situation. Je me tue à dire qu'on est le miroir de ce que vivent les auditeurs et qu'il y a toujours une grande différence entre des belles campagnes de communication, main dans la main, ensemble, toujours partenaires de vos projets, pour vous aider, parce que le monde bouge. Eh bien, qu'il bouge, mais qu'il bouge pour elle. Mais ça, c'est pour vous faire prendre des comptes quand il s'agit de rembourser des bêtises, parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, au niveau judiciaire, en quelques secondes, si elle faisait un procès, mais le problème c'est qu'il faut avoir des sous pour faire un procès aussi, il faudrait quand même que LCL Coulommiers Crédit Agricole Amiens explique comment ils ont ouvert un compte avec une carte d'identité volée. Oui, parce qu'ils sont obligés de vérifier l'identité, ils doivent prendre des précautions, ils doivent envoyer des courriers recommandés, etc. Donc là, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour vérifier. Alors, on va commencer à appeler les sièges et on lance le plan Hypervie. Hervé Pouchol, vous êtes le spécialiste. Alors, c'est parti pour le CIC, je m'occupe de LCL maintenant. Ça marche. Dans quelques instants, le cas numéro 2. Julie a eu un arrêt maladie pendant son CDD en Corse, elle a dû rentrer chez elle et ne peut pas aller chercher son dernier salaire. Désormais, son ex-employeur ne veut pas lui envoyer. Néanmoins, ça sent quand même l'émission spéciale quand il y a de gros dossiers comme ça. Une jeune fille de 20 ans qui se trouve dans cette situation, nous sommes prêts à casser absolument tout le conducteur pour aller jusqu'au bout et pour l'aider. Nous ne pouvons pas la laisser ainsi. Et ça, c'est sur RTL. Merci à vous. Leclerc. Ça, c'est le mouchoir de Joël. Et ça, c'est l'arbre avec lequel on l'a fabriqué. Voilà pourquoi Marc Repère s'engage depuis toujours pour l'environnement. Aujourd'hui, 100% de nos mouchoirs et papiers toilettes sont issus de forêts gérées durablement et vendus à prix Leclerc. Retrouvez nos engagements sur marcrepère.com. Vous pourrez toujours compter sur Marc Repère. Allopneus.com. Prenez la route, explorez de nouveaux espaces avec les pneus Goodyear. Depuis 120 ans, Goodyear innove et relève chaque défi technologique avec le même esprit de conquête. Vous aussi relevez le défi. Allo Pneus offre jusqu'à 120 euros pour un prochain achat de pneus Goodyear et met en jeu 5000 euros de bons d'achat chez nos partenaires. Alors faites-vous plaisir. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 27 novembre 2018. Règlement sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est l'hiver d'Alban qui change. Avec le parasol chauffant au gaz à 69,95€ au lieu de 109,95€. 69,95€ seulement, Alban. Et t'es bien au chaud. Un peu comme si t'avais 5 bonnets sur la tête. Mais en beaucoup, beaucoup moins ridicule et surtout beaucoup plus efficace. Jusqu'à mardi, vos magasins Auchan et Auchan.fr proposent le parasol chauffant au gaz hauteur 2,22€ à 69,95€ au lieu de 109,95€. Et votre hiver change. Auchan. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de célébrer 40 ans de bonheur rien qu'avec vous. Pour ces 40 ans, Kiabi vous fait profiter d'une offre exceptionnelle. Pour tout achat d'un pantalon, le second est à moins 50%. Moins 50% sur un pantalon homme, femme ou enfant. À vous de mixer. Offre limitée du 12 au 20 novembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Remise appliquée sur l'article le moins cher. Conditions, magasin et kiabi.com. Dis donc, tu savais, toi, que la clémentine de Corse était la seule produite en France? Of course. Cultivée de manière traditionnelle? Of course. Et cueillie à maturité? Of course. Clémentine de Corse? Of course. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la Collectivité Territoriale de Corse. Tiens, encore un texto de maman pour me dire qu'elle a bien reçu les photos de Zoé. Génial. Depuis qu'on leur a offert un smartphone Doro, mes parents sont hyper connectés. Avec son interface simple et intuitive, Doro, c'est la bonne idée cadeau pour garder le contact en famille. Retrouvez toute la gamme des smartphones Doro sur Doro.fr. Monoprix. Tu sais que t'es accro au shopping quand tu fais les boutiques le jour et que tu passes au e-shop la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais que t'es encore plus accro au shopping quand tu dévalises le rayon mode femme de ton Monoprix et le rayon homme et le rayon enfant alors que t'as pas d'homme, t'as pas d'enfant. Avec l'anniversaire de Monoprix, le bal de promo, c'est parti. Jusqu'à moins 50% sur une large sélection d'articles de mode, femmes, hommes, enfants et bébés, jusqu'au 19 novembre seulement. Monoprix, voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Il faut aider Maya, plombée par les banques. On lui a piqué sa carte d'identité, ils ont ouvert 3 comptes. Elle est interdite bancaire, personne ne fait rien pour elle. Elle doit 15 000 euros. C'est après les infos RTL 10h. La meilleure info sur RTL, c'est avec vous, Bénédicte Tassard. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Les hausses des taxes sur les carburants sont maintenues, mais sur RTL, le Premier ministre a dévoilé ce matin toute une batterie de mesures pour accompagner les Français dans la transition énergétique. Et d'abord, la fin des chaudières individuelles au fioul d'ici 10 ans, avec le développement de la prime à la conversion des chaudières. Un tiers du coût sera pris en charge par les pouvoirs publics, assure Édouard Philippe. Deuxièmement, une super prime pour les 20% de ménages les plus modestes qui vont changer de voiture pour mettre à la casse les vieux diesels, les vieilles essences. 4000 euros pour acheter un véhicule d'occasion et concerner par exemple un couple avec 2 enfants qui touche moins de 2 SMIC. 1 million de ces primes va être distribué. Les gros rouleurs, ceux qui avalent 60 à 70 km chaque jour, vont bénéficier du dispositif d'indemnité kilométrique, un dispositif qui sera également élargi aux petites cylindrées. Et puis, le chèque carburant et le covoiturage seront défiscalisés. Enfin, une mesure d'urgence pour le chèque énergie, 50 euros de plus pour les ménages les plus modestes, plus de 5,5 millions de ménages sont concernés. Le mouvement des Gilets jaunes est donc prévu samedi prochain. L'entrave à la circulation sera sanctionnée, prévient le Premier ministre. Vous avez le droit de manifester, mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi, a conclu le chef du gouvernement. À Marseille, les perquisitions suite à l'effondrement des 2 immeubles du centre-ville ont visé